Arumara. Bang up. Bang up. Hey. How come? Bang up. Hey, champion kilo. Bang up. Hey, hey. Vendredi, samedi, claquer la monnaie. San Antti, Luigi, claquer la monnaie. 10 000 les d'euros, j'ai trop charbonné. Elle fait la belle gosse, mais personne la connaît. Numéro uno, premier des premiers. Je suis à l'hôtel en train de claquer la monnaie. Claquer des sevets, enlever sa culotte, enlever son soutif, bouffer des nœuds. Depuis petit peu, je traîne qu'avec des gros poneys. T'es sur le raté, mais es-tu cramponné? Charlie des meudas, passe téléphoné. Charlie des meudas, passe téléphoné. Hélène s'est baisée chez garçon d'à côté. Fatou m'a rappelé parce que j'étais coté. Comme les tragédies, on t'a boycotté. Je suis congolais, pantalon sauté. Faut me respecter, je baisse le game avec tant de vulgarité. Toujours dans les temps, j'ai bon costard. Le jour de paye, je suis jamais en retard. Joue pas les durs, tu vas bouffer le trottoir. Y'a plus de paye, je te jure, il est trop tard. T'as pipi comme un par la semaine, le week-end t'es sorti, news café. Claquer la monnaie. À Phuket, en Thaïlande, les massages, les tapas, le soleil, t'es parti. Claquer la monnaie. T'es tombé amoureux d'une beurette de ce verre, t'as fini par un jour. Claquer la monnaie. Mon équipe a du bif, ces bouffons nous envie car il nous va souvent. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Oh, claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie, claquer la monnaie, oh claquer la monnaie, claquer la monnaie, claquer la monnaie, claquer la monnaie, claquer la monnaie, claquer la monnaie. Je vais faire la bagarre, coup de retourné. T'as fait le canard, ton cas t'a brûlé. J'ai mis la capote, mais elle s'est craquée. Minute du lendemain, elle m'aime à connaître. Elle veut pas de bébé, elle veut s'amuser. Kenda sur Kenda, elle est abonnée. Elle veut pomper tout le zèque, j'ai charbonné. Elle veut pomper tout le zèque, j'ai charbonné. Non sans déconner, elle est culottée. En plus de ça, elle veut pas se dénuder. Cagoulé ganté, je vais charbonner. Pendant que d'autres vont pousser. Yeah. T'as pipi comme un par la semaine, le week-end t'es sorti, news café. Claquer la monnaie. À Phuket, en Thaïlande, les massages, les tapas, le soleil, t'es parti. Claquer la monnaie. T'es tombé amoureux d'une beurette de ce verre, t'as fini par un jour. Claquer la monnaie. Mon équipe a du bif, ces bouffons nous envie car il nous va souvent. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Oh, claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Oh, claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Claquer la monnaie.